I X Rhodes, you got the keyboards. Et bonjour, on t'entend pas. Thank you. aux écueils, aux détresses. Il est plus que temps d'ouvrir les yeux. Il est plus que temps de céder un peu. Charmer à la télé pour changer les choses. Des choses simples à rappeler dont on va profiter de l'espace qui nous est donné. Démocratie à rythme de ma fouée. Aujourd'hui, pour n'importe quoi, on pourrait voter. La démocratie, les contraintes ne sont plus. Mm-hmm.